Je joue avec mon ordinateur de mon papa. Bonjour, mesdames et messieurs. Je joue avec l'ordinateur de mon papa. Et même demain, je suis ici gratin. C'est une blague. C'est des gâteaux super. C'est bien mon papa.